Numéro 18. La famille. 家族. Le mari. 主人. 夫. L'épouse. 家内. 妻. Le père. 父. La mère. 母 Le fils 息子 La fille 娘 Les parents 両親 Les enfants 子供たち Le grand-père 祖父 La grand-mère Sobo. Je suis marié. 結婚しています. Je suis célibataire. 独身です.